France Inter. Il va y avoir de la danse, j'aime autant vous le dire. France Inter. Rouge Mix. Bonsoir à tous, bienvenue dans la série Rouge Mix. L'été, le samedi à 22h, c'est le moment du mix sur Inter. Ce soir, avec Alan Brax. Music sounds better with you. Alan Brax est à l'origine de ce tube planétaire avec Stardust, Benjamin Diamond et Thomas Bangalter. Alan Brax a roulé sa bosse avec son label Vulture en remixeur pour Britney Spears, Björk, Phoenix ou encore Kylie Minogue. En producteur, je vous recommande The Uppercut qui a été récemment réédité ou encore ses morceaux avec DJ Falcon. Il est au platine pour nous ce soir, Alan Brax. Rouge Mix. Alan Brax, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on va entendre ce soir? Est-ce que c'est un mix pour se détendre chez soi ou plutôt pour sortir entre amis? C'est peut-être un mix pour les occasions que tu viens d'évoquer ou peut-être pour écouter en voiture. Ah, c'est un bon transport hein, la voiture pour écouter de la musique, c'est bien. Ces trois occasions là. Ouais. Vous avez souvent fait tester vos morceaux en voiture. Je sais que les Daft Punk ils faisaient ça. Alors j'ai plus le permis depuis 10 ans, donc j'ai une voiture sans permis maintenant. Les conditions audio sont assez désastreuses. Mais avant, ouais, quand j'avais un mix qui était terminé, j'allais l'écouter systématiquement dans la voiture. Ouais. Je le gravais sur CD mais c'était il y a longtemps tout ça. Et j'allais l'écouter dans la voiture. Pas forcément en roulant, mais pour écouter l'acoustique dans la voiture. Juste avant qu'on commence, vous vous souvenez du jour où Alain Kem, parce que ça c'est votre nom dans le civil, est devenu Alan Brax? Je m'en souviens, c'était en 1997. J'étais sur le point de sortir mon premier disque, mon premier morceau qui s'appelle toujours Vertigo sur Roulé, qui était le label de Thomas Bangalter. Et il a fallu trouver un nom d'artiste. Donc j'habitais à ce moment-là dans un petit village à côté de Toulouse qui s'appelle Brax. Donc je suis pas allé chercher loin. J'ai pris le nom du petit village dans lequel j'habitais. Mon prénom c'est Alain. J'ai mis ça à l'anglo-saxonne. Alan, Brax, et voilà. Et avec un E comme les Beatles. Avec un E pour éviter tout problème de droit ou je ne sais quoi. Allez, on se retrouve en fin de mix pour quelques mots. Le Rouge Mix d'Alan Brax, c'est parti. Rouge Mix. Les DJ sets de France Inter. Smile.

Vous êtes bien sur Inter dans le Rouge Mix d'Alan Brax. Yeah. Rouge Mix sur Inter, c'est Alan Brax ce soir. Thank you. I made it. you will respect me. Rouge Mix. Vous êtes bien sur Inter dans le Rouge Mix d'Alan Brax. Oh, shift to let go, then hold on for life. Afraid to lose permanently the pieces of me anchored to you. I can hear, smell, see, while astral traveling's got me journeying to a higher view, reflecting to me under full moon luminescence, my shadow eclipsed by deep. Voilà un final plutôt funky 70s. Il s'est passé plein de choses à Alan Braxx pendant ce mix. C'était étonnant d'ailleurs ce passage au milieu entre Girls, qui est j'imagine un morceau assez récent, et Debaser des Pixies. Sur quoi repose une idée d'enchaînement dans un mix ? En fait, c'est une idée de partage surtout, et d'avoir un espace de temps, donc là en l'occurrence 50 minutes, pour soit diffuser de la musique 50 minutes uniquement de disco, ou alors d'une sélection plus large, ce qui a été le cas ici en fait. Donc moi je pars avec une idée, j'aime bien que ce soit éclectique, un mix. Je sais qu'il y aura un peu de disco, un peu d'électro, un peu de techno. Là il y a eu du rock, parce qu'effectivement il y a Pixies, et ça va un petit peu loin dans le... un peu à l'antithèse de ce qu'est le disco, mais il y a des points communs. Pour moi, il y a des points communs entre les morceaux disco de la fin et le morceau de Pixies. Dans la détermination, une forme de tristesse, mais de combat, ce sont les mêmes sensations exprimées différemment. Donc je trouve que c'est intéressant de les mettre dans un mix, de voir les deux interprétations de ces sensations-là. Ah, c'est hyper intéressant parce qu'il n'y avait rien d'attendu dans le son, en tout cas. On ne peut pas imaginer que y a ça va arriver. Juste après. Mmh. Qui d'autre est-ce qu'on a entendu ce soir ? Alors... je commence à m'affirmer à 52 ans, donc j'ai commencé avec, avec un remix qu'on a fait avec mon cousin pour Phoenix. Ensuite, votre cousin, c'est DJ Falcon. Ouais, c'est DJ Falcon. On commence avec un remix d'un morceau à nous par des amis à moi, Shakedown, qui ont fait un remix d'un morceau qui s'appelle Elevation, un morceau de Braxx et Falcon, qui est sorti l'année dernière. Et ensuite, on part sur Panda Bear. C'est la première un petit peu interférence qu'il y a dans le mix, parce que c'est un morceau qui est pas club du tout en fait, c'est juste un morceau où il y a des claps et il chante, et je suis complètement obsédé par ce morceau. Je trouve que c'est très très beau, je sais pas, ça me fait penser à de la musique d'église. Donc ça c'est la première interférence, parce qu'on perd complètement le tempo club, et puis après ça part sur Guy Borato, enfin il y a un peu de tout, il y a un peu de l'indie dance, on pourrait dire. Il y a ce morceau avant Pixies, Girls, qui est par un artiste, un jeune artiste new-yorkais, The Dare. Donc lui, il fait de la musique qu'on voit très très fort. Ouais, c'est ça, il y a presque une énergie un peu Beastie Boys, presque, mais avec un son d'aujourd'hui. Avec un son d'aujourd'hui, mais c'est bien, c'est assez libre. Et moi, je l'ai vu jouer à New York à plusieurs reprises. Il a une très grande présence sur scène, tout, donc c'est chouette. Et puis après, il y a un peu de tout. Mais comme dans un mix, quand on, enfin moi quand je joue dans un club, et puis c'est pareil pour Stéphane, mon cousin, on aime bien que ça soit que ça aussi, comme ça, entre des... Donc là c'est ramassé, parce que c'est sur 50 minutes. Il y a des vallées, des creux, des hauts. Voilà, voilà. C'est préparé à 80% un mix, ou est-ce que ça peut, en fonction de la réaction du public, changer complètement ? Un mix comme ça, c'est préparé, parce que moi j'ai pas de matériel chez moi, j'ai pas de platine chez moi. Donc en fait je suis obligé de le faire avec un... Je vous dis tout là, hein. Uh-huh. Transparent 100%. Je le fais avec un ordinateur, et c'est particulièrement contraignant, parce qu'il n'y a aucune spontanéité en fait. Par contre en club, c'est totalement improvisé à chaque fois. Il y a une sélection de titres qui est là, c'est 200 titres, je sais que j'ai ça à disposition. Et selon ce qui se passe dans le club, le lieu, mon humeur, l'humeur de la salle, il y a une espèce d'interaction qui se fait, et ça change à chaque fois. Préparer un set pour aller jouer en club, c'est un peu antinomique en fait. Il faut que ça soit, faut que ça se fasse sur l'instant. On sait le point de départ, et puis après on sait. C'est souvent ce qui est le plus dur à démarrer. Moi, je suis toujours anxieux avant de commencer. Puis je suis là, avec quoi je vais commencer, avec quoi je vais commencer. Puis une fois que c'est lancé, yes, c'est parti quoi. Merci Alan Braxx. Bah merci à vous. Rouge Mix, les DJ sets de France Inter. We'll be right back. C'est la fin de ce Rouge Mix d'Alan Brax, le dernier de cet été. Le Rouge Mix, Mathieu Conquet, Marius Serriès, Benjamin Riquet, à la technique, Julien Chabassu. Vous pouvez retrouver sur le site toutes les références des morceaux que vous avez entendus ce soir à la page de l'émission, où vous pouvez aussi repasser le mix tout seul, juste la musique, disponible à la réécoute, tout comme les autres de la série.